ce qui est maintenant l'entrée de l'école, avant c'était pas forcément son entrée, mais c'est le point où tout le monde se retrouvait. C'était vraiment un lieu névralgique. Et finalement, ça avait un peu cette fonction où tout le monde se croisait, même si c'était pas l'entrée de l'école, on y arrivait par plusieurs endroits. Où ça, vraiment ? Là, juste en bas.